cœur. Bonjour, ma douce ville. Bonjour, mon œil. Bonjour, ma douce amie. Et bonjour, ma toute belle, ma mignardise. Bonjour, mes délices, mon amour, mon doux printemps, ma douce fleur nouvelle, mon doux plaisir, ma douce colombelle, mon passereau, ma jante tourterelle. Bonjour, ma douce rebelle. Et faudra-t-il que quelqu'un me reproche que j'ai vertoué le cœur plus dur que roche de t'avoir laissé, maîtresse, pour aller suivre le roué m'adiant je ne sais quoi que le vulgaire appelle une largesse? Plutôt, périsse honneur, courte et richesse, cœur. Pour les biais, jamais je te relaisse. Ma douce et belle déesse.